Chapitre 11. Des champions de la vérité. Vous est-il arrivé de vous perdre alors que vous conduisiez votre voiture dans une grande ville? L'idéal pour savoir où vous vous trouvez serait de pouvoir vous élever dans les airs pour avoir une vue d'ensemble suffisamment large pour vous situer dans la ville. Mais de flotter dans le ciel pour trouver votre orientation n'est pas une option très pratique. Il n'y a pas de problème, cependant, si vous vivez en Amérique, en Europe, en Australie ou dans toute autre région du monde où vous pouvez obtenir un de ces appareils relativement nouveaux que sont les GPS. Avec un GPS, système de repérage satellitaire, vous n'avez pas besoin de vous élever très haut dans le ciel, car un ensemble de satellites tourne tout là-haut à 20 000 km en fait, et par un repérage triangulaire entre eux, ils peuvent voir exactement où vous êtes. Avec un récepteur GPS dans votre voiture, vous pouvez non seulement voir sur un écran où vous êtes, mais aussi la direction à prendre pour aller où vous voulez. Pour celui qui a perdu son chemin, un GPS peut être une réelle bénédiction. Il est parfois possible que vous soyez perdu, même en lisant un livre. Vous pouvez tourner à gauche sur un sujet, à droite sur un autre, puis voyager plusieurs kilomètres à travers une série de paragraphes et de chapitres, et oublier d'où vous êtes parti et où vous allez. Il est donc peut-être temps que nous nous arrêtions un moment pour faire le point de notre orientation. Revoyons d'où nous sommes partis, où nous avons été et vers quoi nous nous dirigeons. Nous avons commencé ce livre en notant que son objectif est de raconter une histoire, l'histoire des fidèles disciples de Dieu qui ont accepté une mission particulière, celle d'être les champions de la vérité. Cette vérité contient deux volets. Elle comprend toute la vérité que Dieu a fait connaître par sa parole et toute la vérité enseignée et vécue par Jésus pendant sa vie sur la terre. La partie la plus importante de ces vérités est celle qui porte sur le caractère de Dieu. Le grand ennemi dit qu'on ne peut pas faire confiance à Dieu car il ment, il demande l'impossible, il est justicier, vengeur, déterminé à nous enlever notre liberté et à détruire notre bonheur. L'ennemi affirme que Dieu est responsable de toutes les souffrances, la misère et la mort de cette planète Terre, et qu'il faut le blâmer pour toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver dans votre vie. L'ennemi déclare encore que s'il était lui en charge de l'univers, chacun y trouverait son bonheur. Même de nombreux leaders chrétiens aujourd'hui présentent Dieu au monde comme empressé d'exercer son jugement et de détruire ceux qui pêchent. Quand un raz-de-marée, un cyclone ou un tremblement de terre emporte des milliers de vies, c'est parce que Dieu est en colère contre les pécheurs et qu'il exerce ses jugements. Une chaîne ininterrompue. Ainsi, dans notre pause pour savoir où nous en sommes, nous avons vu que depuis l'Éden, une chaîne constante et ininterrompue de fidèles s'est maintenue siècle après siècle jusqu'à présent. Et nous avons vu que la mission de fidèles partisans de Dieu a toujours été la même. Il s'agit de partager et de défendre ces vérités si violemment et honteusement contrefaites par le grand ennemi. Et il s'agit de partager et de défendre avec plus de ferveur encore la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur à tous. La Réforme a redécouvert nombre de vérités longtemps supprimées ou perdues. Elle a aussi dévoilé des siècles d'erreurs, de mensonges et de contrefaçons. L'autorité de la Bible, et non la tradition humaine, et le salut par la foi en Jésus, et non la confiance dans les efforts et les mérites humains, font partie des plus grands cadeaux que la Réforme ait donné au monde. Mais la Réforme a perdu son dynamisme avant qu'elle ait pu achever son œuvre. D'autres vérités importantes restaient à reconquérir. Le grand réveil adventiste a redécouvert et mis en valeur le retour du Christ, en dépit de son incompréhension initiale des prophéties de la Bible. Maintenant, comme un coureur dans une course de relais, le témoin est sur le point d'être passé au dernier coureur. Dieu veut faire surgir un reste eschatologique qui met en avant ses vérités et sa vérité, Jésus, dans les derniers jours de l'histoire de ce monde. Il veut donner au dernier coureur la tâche la plus importante de toutes. Oui, ce dernier groupe de fidèles, le reste final, doit reconquérir de nombreuses vérités perdues ou négligées, le sabbat, le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste, la nature de l'homme, l'état des morts et, oui, l'imminence du retour du Christ. Mais il veut aussi donner au reste final les trois plus importants et urgents messages jamais adressés au monde, les messages des trois anges mentionnés dans les prophéties du livre de l'Apocalypse. Ces trois messages, énoncés en Apocalypse 14, 6 à 12, constituent les trois derniers appels et ces derniers avertissements aux milliards de gens vivant sur la terre alors que les dernières heures de la terre s'achèvent. Tout comme Dieu a appelé Noé à intercéder et avertir le monde de son temps, et tout comme Jean le Baptiste a intercédé et averti le monde avant la première venue du Christ, Dieu s'est réservé un peuple qui doit intercéder et avertir le monde au début du troisième millénaire, que Jésus revient bientôt. Brièvement, les messages des trois anges sont les suivants. 1. L'évangile éternel est devenu urgent à cause de l'heure du jugement. 2. Dieu appelle son peuple à sortir de la confusion de la contrefaçon religieuse, Babylone. 3. Un avertissement que tarder trop longtemps dans une fausse religion, c'est prendre le risque de recevoir la marque de la bête du grand ennemi. Oui, il y a là un urgent avertissement. Oui, il est nécessaire que le reste final de Dieu mette en opposition les vérités avec les erreurs et les contrefaçons. Remarquez cependant que les trois messages commencent par l'Évangile éternel. Il n'y a rien de plus important. C'est la priorité numéro un. Dire au monde la vérité sur Dieu, rendue parfaitement évidente dans la vie et la mort de Jésus, est la première tâche des derniers véritables disciples de Dieu. De tous ceux qui professent être chrétiens, écrit Ellen White, les adventistes du septième jour devraient être ceux qui élèvent le Christ aux yeux du monde. Gospel Workers, p. 156. Ainsi, qu'en est-il de toutes les doctrines et vérités qui ont été redécouvertes depuis la déception de 1844 à nos jours par le reste de Dieu? Au regard de celui qui est la vérité, les autres vérités sont-elles peu importantes? Difficilement, car qui est à la source de toutes ces vérités? Qui les a enseignées? Mais il nous faut nous préserver de deux grandes erreurs. La première est de regarder autour de nous et de supposer que, puisque les autres églises ne prêchent pas ces vérités, mais se concentrent apparemment sur Jésus et le salut, nous devrions le leur laisser et porter nos plus grands efforts sur le partage des vérités doctrinales uniques que Dieu nous a confiées. La seconde erreur est de présenter ces vérités comme si elles existaient seules, pour elles-mêmes. Car aucune vérité, aucune doctrine n'est exacte et même compréhensible que dans la mesure où elle est perçue en rapport avec celui qui est la vérité. Toute doctrine, toute vérité, commence et se termine avec Jésus. Le sabbat n'est important que pour ce qu'il dit sur Jésus, dans la mesure où il nous aide à comprendre son caractère d'amour. Le sanctuaire n'est pas simplement une accumulation de symboles et de services, il constitue une illustration tangible de la façon dont l'amour de Jésus nous sauve. Certaines des religions confuses de ce monde enseignent et prêchent Jésus, mais elles sortent si facilement des rails et enseignent la grâce à bon marché, ou bien une fois sauvé, toujours sauvé, ou encore que certains sont prédestinés à être sauvés et d'autres pas. Dieu a donné à son reste final la plus claire, la plus équilibrée et la plus juste compréhension du salut jamais révélée à la race humaine. De plus, il a montré comment chaque enseignement, chaque doctrine de la Bible dit quelque chose sur Jésus, comment chacune des vérités bibliques aide à comprendre qui est Dieu véritablement. Le reste. En tant qu'adventiste, soit que vous ayez été baptisé récemment ou que vous soyez membre depuis votre enfance, vous avez peut-être souvent entendu parler de « l'Église du reste ». Ce n'est pas un slogan de marketing voté par un quelconque comité d'Église, c'est la façon dont Dieu décrit ses fidèles disciples à la fin. Voici ce que dit Apocalypse 12:17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu » et qui ont le témoignage de Jésus. Selon cette prophétie, le dragon, Satan, est en colère contre la femme, l'Église de Dieu, formée de ses fidèles disciples. Il est parti pour faire la guerre au reste de sa postérité. Le reste, c'est la dernière partie de quelque chose. Et ce reste, dit la prophétie, peut être identifié par deux choses. 1. Il garde les commandements de Dieu, et 2. Il a le témoignage de Jésus. Nous porterons une plus grande attention à ces deux marques d'identification du reste dans le chapitre suivant, mais pour le moment, un avertissement. Il serait si facile de conclure que l'Église adventiste du septième jour, le mouvement avec un destin, selon les termes de L.E. Froome, est le lieu exclusif du seul véritable peuple de Dieu, et que seuls les membres de cette Église peuvent être assurés de leur salut. Mais, mis à part le fait que la Bible enseigne clairement que le salut ne dépend pas d'une appartenance à une église, mais uniquement de la foi en Jésus-Christ, le fait est que tout le véritable reste de Dieu, ses fidèles disciples, ne fait pas encore partie de l'Église adventiste. Malgré les ténèbres spirituelles et l'éloignement de Dieu qui règne dans les églises constituant Babylone, écrit Ellen White, la majorité des vrais disciples de Jésus se trouvent encore dans leur sein. La tragédie des siècles, page 421. Cela veut dire que l'Église adventiste du septième jour n'est pas le reste de Dieu, pas du tout, mais que tout le reste des disciples de Dieu ne fait pas encore partie de l'Église du reste. En fait, certaines de ces personnes faisant partie du reste peuvent être mortes sans avoir jamais eu l'occasion de faire partie officiellement de l'Église du reste. Mais si Dieu est en train de dire « sortez de Babylone », Il dit de même « Faites partie du reste ». Et ce reste est la communion de ceux qui ont été appelés à sortir, l'organisation rassemblant ceux qui sont chargés de mettre en œuvre la dernière tâche confiée par Dieu. Dieu n'a pas créé le reste pour offrir le salut comme la récompense de notre appartenance à l'Église. Il a créé l'Église du reste pour qu'elle soit un lieu où les fidèles disciples de Dieu peuvent se rassembler pour apprendre comment unir leurs efforts en devenant les ardents défenseurs de ses vérités et de celui qui est la vérité. Vous êtes-vous jamais débattu avec une ficelle, une corde ou un tuyau d'arrosage qui semble émêler irrémédiablement? Comment parvenez-vous finalement à les démêler? Il vous faut trouver un des bouts et commencer par là. En tant qu'adventistes, nous passons parfois beaucoup de temps et faisons de gros efforts pour chercher à démêler les choses. Nous débattons des règles éthiques de l'Église, nous pinaillons en théologie, nous argumentons sur la façon d'appliquer le manuel d'Église, nous disséquons les doctrines. Tant de temps pourrait être économisé, et notre efficacité pourrait en être augmentée d'autant si, lorsque les choses paraissent embrouillées, nous cherchions le bout. Car toute chose, chaque doctrine, chaque norme de vie chrétienne, chaque pratique ecclésiale, commence et finit par Jésus-Christ. Si nous voulions seulement commencer par là et finir là, les histoires disparaîtraient. Nous trouverions l'harmonie entre nous et arrêterions de donner de l'importance à des choses mineures. Nous avons une tâche urgente et vitale à accomplir. Nous avons un sauveur à faire connaître autour de nous. Nous avons des vérités à partager. Nous avons des erreurs à dénoncer. Nous avons le retour du Christ à annoncer. Ce n'est pas par accident que vous êtes adventiste du septième jour. Vous avez été appelé et choisi. Oui, vous, Dieu vous a invité à prendre place dans la longue lignée de ses fidèles. Il vous a demandé de saisir le témoin et de courir le dernier tronçon de la course. Il vous a appelé à être un champion de la vérité et de celui qui est la vérité. Ainsi, allez en classe aujourd'hui. Rendez-vous à votre lieu de travail. Faites vos courses. Prenez soin de vos enfants. Vivez votre vie. Mais soyez disponible pour Dieu aujourd'hui. Soyez son instrument, sa voix. Laissez son amour se déverser à travers vous sur les perdus, sur ceux qui sont dans la confusion et qui cherchent. Croyez que Dieu vous a confié une tâche. Soyez prêt à partager. Imaginez comment Dieu vous a fait l'honneur et vous a accordé le privilège de faire partie du dernier mouvement promis à une grande destinée. Plus nous le faisons connaître, lui et sa vérité, auprès de ceux qui nous entourent, plus vite nous verrons sa face. À toutes les époques, Dieu a toujours eu un peuple qui lui a été fidèle, les appelés et les élus, et il dispose encore d'un peuple particulier aujourd'hui.